petit chien de laine qui avait une queue de coton. À cause de ce phénomène, on l'avait baptisé Chiffon. Son père était un vrai molosse qui aimait chiquer la guenille. Sa mère avait le poil en brosse. C'est pour ça que de notre famille, c'était un petit chien de laine qui avait une queue de coton. Il la portait comme une antenne pour capter les candidats. Un jour, son père et puis sa mère lui dirent dans leur langage de chien: tu vas rester bien enfermé dans le placard de la salle de bain. Où allez-vous, pleura le toutou, j'ai peur tout seul dans ce placard. Cesse d'aboyer, va te coucher, où tu n'auras plus d'épinards. Et les parents du chien de laine partirent la patte dans la main, présider au parc La Fontaine, une grande exposition d'humains, exposition d'humains. Et le pauvre petit chien de laine, tout seul dans son noir cabanon, essuyait ses larmes tontaines avec sa queue de coton. Il s'endormit tout comme un gosse, la tête sur une paire de galoches, rêvant que la fée Carabosse lui taillait la queue en filoche. C'était un petit chien de laine qui avait une queue de coton, dont n'a pas parlé La Fontaine. Oui, mais là n'est pas la question. Or, dans le placard, affreux cauchemar, il y avait des mythes en quantité. Qu'avait une faim de chien, c'est le cas dire quelle calamité. Les vlas qui bouffent, les belles touffes, lui laissent les flancs à découvert. Lui rase la tête, ramasse les miettes, en gardant le croupion comme dessert. Quand les parents du chien de laine revinrent de l'exposition, il ne restait du chien de laine qu'une petite queue de coton. Petite queue de coton.